France Inter, le 13-14. Le livre de l'histoire porte particulièrement bien son nom aujourd'hui. Un mécanisme datant de la Seconde Guerre mondiale est réactivé par les États-Unis pour aider les Ukrainiens à combattre la Russie. Le pré-bail, c'est un des instruments mis en avant dans l'énorme investissement américain ces dernières semaines, Jean Lebrun. Dès avant le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine par Poutine, Washington avait accordé une aide d'1 milliard de dollars. 4 autres milliards ont suivi depuis 3 mois. Mais là, il s'agit de 33 milliards, on parle de 40 aussi, avancés sur un échéancier long. L'Union européenne participe aussi, mais pour 1 milliard seulement. Alors j'arrête avec ces chiffres qui donnent le tournis. Les contributions d'ordre militaire y sont majoritaires, correspondent d'abord à l'envoi de matériel. Il s'agit par exemple de permettre aux Ukrainiens de retrouver tout de suite un peu de maîtrise du ciel. Et donc le mécanisme financier imite celui qui avait été mis en place en 1941 par les États-Unis pour aider le Royaume-Uni et son empire, qui était alors bien seul. Le pré-bail est né du cerveau fertile de Churchill. Voilà. Fin 40, il est en grande difficulté. Néanmoins, il sait que Roosevelt cherche tous les moyens de le soutenir, mais sans pouvoir afficher d'intention belliciste. À l'automne 40, le président américain est candidat à sa réélection, alors il dissimule aux électeurs qu'il est sur le sentier de la guerre. Mais en novembre 40, il est réélu et le premier ministre britannique sent le moment favorable pour ferrer son partenaire à qui il envoie un très long mémorandum. Il suggère des possibilités de faire parvenir de l'aide. Non, enfin, il dit plutôt « Ce n'est pas un appel au secours, c'est un relevé des actions communes que nous pourrions mener puisque nous avons le même but, la défaite des dictatures. » Roosevelt, en croisière sur un bateau militaire, lit le courrier de Churchill sur le pont. Il médite pendant 2 jours, revient avec la solution qu'il va présenter ainsi aux Américains, dont vous savez qu'ils habitent souvent des maisons de banlieue. « Imaginez, dit-il, qu'il y a le feu chez votre voisin. C'est vous seul qui détenez la lance à incendie indispensable. Vous allez la prêter au voisin, c'est votre intérêt à tous deux. Bah, il remboursera quand il pourra. » Et en effet, le Royaume-Uni ne finira de rembourser qu'en 2006. 2006. Pour Churchill, le pré-bail, c'est un tournant essentiel du conflit à l'égal de la bataille de France de 40 ou de l'échec allemand dans la bataille d'Angleterre. Le pré-bail qui est signé en mars 41, l'entrée en guerre directe des États-Unis survient 9 mois plus tard, Pearl Harbor. Entre-temps, Hitler a envahi l'URSS en juin. Et ce sera posé la question de l'extension du pré-bail à Moscou, car le pré-bail va être étendu à l'Union soviétique. C'est une question qui n'apparaît guère dans les reconstitutions historiques de Poutine. La grande guerre patriotique de Staline aurait-elle pu être gagnée sans le soutien américain? En décembre 1941, le général de Gaulle, qui soit dit en passant, bénéficia lui aussi du mécanisme, observait que la guerre serait gagnée par les États-Unis car leur structure économique était la plus capable de tenir dans la durée. Alors le pré-bail, c'est le financement maintenant pour un remboursement plus tard. Mais quand il s'agit de matériel déjà existant, il faut qu'on soit livré très vite. Oui, les questions de logistique, c'est absolument essentiel. L'accès à l'Ukraine, par exemple, est difficile. Écartement des rails différents. État des transformateurs électriques ciblés par l'artillerie russe. Les ports restants à l'accès miné pourront-ils devenir accessibles? Les chars Abrams, je vous pose des questions prosaïques, que pourrait fournir l'armée américaine? Est-ce qu'ils sont pas trop lourds pour tous les ponts d'Ukraine? En 42-44, l'URSS, le plus vaste pays du monde, avait la chance d'être si grand qu'on pouvait mettre hors de portée beaucoup de lieux de production et le pré-bail a servi d'ailleurs à appuyer ces nouvelles localisations. Et le pré-bail, dites-vous, a même concerné le goulag? Mais oui, parce que le goulag, il était extrêmement étendu. Aux limites du goulag existait une terre concentrationnaire aux dimensions infinies, c'était la Kolyma. Le grand écrivain déporté Chalamov raconte sur un mode qui finit par devenir comique l'arrivée d'un envoyé spécial américain par la route arctique, le vice-président de Roosevelt, Henry Wallace, a en effet été en personne dans la Kolyma. Il a fallu tout bouleverser pour qu'il ne s'aperçoive de rien. Et en effet, il est revenu enchanté par les Soviétiques. Et depuis, aucune trace du pré-bail dans l'histoire officielle russe. Ni non plus du vice-président Wallace, considéré comme trop idéaliste et trop pro-communiste dans l'histoire américaine. Jean Lebrun, le vif de l'histoire. France Inter.